Chapitre 9. Etzal Prime. Soixante minutes avant l'impact. Bell tombait. Il avait espéré planer un peu, mais non. C'était une chute, rien de plus. Il avait suivi son maître en sautant du Nova, bondissant du cockpit pour se précipiter vers la surface. Il avait pratiqué ce genre de manœuvre à maintes reprises au temple, mais elle impliquait d'ordinaire des dispositifs rembourrés et d'autres mesures de sécurité au cas où le Jedi en formation ne parviendrait pas à mobiliser assez de concentration pour amortir sa chute grâce à la force. La gravité restait la gravité, et même la force ne pouvait l'ignorer, même si Bell pensait Maître Yoda capable d'accomplir ce genre d'exploit en se concentrant suffisamment. Mais l'on pouvait convaincre la force de ralentir une chute, de réduire l'impact à l'atterrissage. Exécutée à la perfection, la technique permettait de se poser aussi délicatement qu'une feuille ou un flocon de neige. Quant à ce que faisait Bell, on était encore loin de la perfection. La force semblait occupée ailleurs, peu disposée à accéder à sa demande d'aide. En voyant approcher le sol à une vitesse alarmante, Bell perdit toute forme de concentration. Il tendit les bras, ouvrit la bouche et se mit à crier. Un Jedi aurait dû accueillir la mort avec dignité, il le savait. Et pourtant, il avait adopté la posture la moins digne qui fût. Bell Zetifar était sur le point d'achever sa carrière de padawan en s'écrasant au sol comme un fruit pourri en éclaboussant les alentours. Et... rien. Il ralentit, pivota dans les airs jusqu'à ce que ses pieds pointent vers la surface et s'y posa aussi délicatement qu'une feuille ou un flocon de neige. « Tu manques encore d'entraînement », commenta son maître d'un ton où perçait un sourire. Bell ouvrit les yeux et vit devant lui le maître Jedi Loden Gretstorm, la main levée. Le sourire s'étendait également sur son visage. « Probablement. »« Assurément », répliqua Loden en baissant le bras. « Nous allons nous y atteler. » Il leva les yeux vers le Nova qui effectuait doucement des cercles en pilote automatique à une centaine de mètres au-dessus d'eux, patientant le temps que les Jedi aient de nouveau besoin de ses services. « Ce n'était pas vraiment idéal comme chute », ajouta Loden. « C'est à peine si tu as eu le temps de réfléchir avant que le sol ne t'appelle. »« Je comprends, Bell. C'est ma faute. Mais ne t'inquiète pas, je vais arranger ça. » De retour sur Coruscant, je te jetterai du sommet des plus hautes super-tours qu'on pourra trouver. Peut-être te faut-il un peu plus de temps pour t'harmoniser avec la force. Certains de ces bâtiments comptent des milliers d'étages. Tu pourras tomber pendant plusieurs minutes, tu auras tout ton temps. Quelle merveilleuse idée, maître, fit Bell. C'est ce que je me disais. Le padawan se retourna pour découvrir la raison qui avait empêché Loden de poser le vaisseau. Des centaines d'autochtones de Etzal Prime en colère se massaient autour du domaine que les deux Jedi avaient aperçu depuis leur vector, cette demeure qui devait appartenir à quelques riches marchands, célébrités ou hommes d'affaires. Au-dessus des hautes murailles hérissées de pics, on distinguait clairement la courbe élégante du vaisseau posé à l'intérieur. Tous dans cette foule avaient entendu l'ordre d'évacuation du ministre Eka et savaient qu'un moyen de quitter la planète attendait derrière l'enceinte. Les gardes postés au sommet des murs ne semblaient guère disposés à laisser quiconque pénétrer à l'intérieur. Chacun portait un fusil de bonne taille, et s'il ne braquait pas directement ses armes sur l'assemblée qui grouillait aux portes, il ne les en détournait pas non plus. Si la situation dégénérait, des gens allaient mourir. Beaucoup de gens. Bell et Loden avaient détourné l'attention de la foule, ce qui n'avait rien de surprenant. Deux Jedi qui tombaient du ciel, ça ne passait pas inaperçu, même dans les circonstances dramatiques auxquelles les habitants de la planète se trouvaient confrontés. Loden s'approcha du groupe le plus proche composé d'une femme et de deux hommes. L'un d'eux tenait un bébé emmailloté. Ils avaient peur, ils étaient mécontents et proches du désespoir. Bell n'avait même pas besoin de la force pour le ressentir. « Bonjour, » dit Loden. « Je m'appelle Loden Gretstorm. Je fais partie de l'Ordre Jedi. » Mon apprenti ici présent s'appelle Bell Zetifar. Nous sommes venus vous aider. Que se passe-t-il? Pourquoi ne vous autorise-t-on pas à embarquer à bord de ce vaisseau? L'un des hommes se tourna brièvement vers les gardes postés sur le mur d'enceinte avant de reporter son attention sur Loden. parce qu'il appartient à la famille qui vit dans cette maison chic de l'autre côté du mur avec toutes ses piques. Ce sont les Ranoraki. Ils paient ses sentinelles pour s'assurer que personne ne montera à bord sauf eux. Ils se préparent au départ. Sans doute qu'ils sont occupés à empaqueter leurs chaussettes en fil d'or ou d'autres idioties de ce genre. Ils prennent tout leur temps pendant que nous, on pourrit sur pied. La femme intervint d'une voix tremblante. Il ne reste plus de vaisseau. Ils sont tous partis et ne reviendront pas. C'est le seul moyen de quitter la planète. Sauf qu'à en croire l'ordre du ministre Eka, on dirait que... Loden tendit la main, effleura la joue de la femme et celle-ci reprit son calme, soudain plus détendu. « Vous allez arrêter de vous inquiéter, » dit-il d'une voix grave et ample que Belle connaissait bien. Loden utilisait la force pour donner du poids à ses paroles, afin qu'elles couvrent le chaos et l'angoisse ambiant. « Concentrez-vous sur votre famille, sur votre enfant. Protégez-les, je m'occupe du reste. » La femme hocha la tête et arriva même à sourire. « Viens, Padawan, » dit Loden en se dirigeant d'un air déterminé vers le portail. Il ne se retourna pas pour voir si Belle le suivait, mais ce n'était pas nécessaire. Là où Loden se rendait, Belle lui emboîtait le pas, ne fût-ce que pour savoir ce que son maître allait bien pouvoir faire. Les deux Jedi traversèrent la foule qui s'écarta devant eux dès que l'on prit conscience de leur identité. Ils portaient toujours la tenue de cérémonie arborée lors de l'inspection du flambeau stellaire, une tunique au doux tissu blanc et or avec ça et là quelques notes de couleur, le tout retenu par un fermoir doré représentant l'emblème de l'ordre Jedi. Sur le terrain, ils étaient censés porter une tenue de cuir, voire une armure en fonction de la mission, mais ils n'avaient pas eu le temps de se changer. Ils étaient partis dès que le Third Horizon avait débarqué dans le système. C'était peut-être une bonne chose, selon Belle. Personne ne risquait de se méprendre sur leur identité. Parfois, le simple fait d'être un Jedi résolvait les problèmes. Loden et lui formaient un duo imposant, ils le savaient. Un humain et un Twi'lek, tous deux grands et à la peau sombre, leurs sabres laser fixés à la hanche, le bruit de leurs pas résonnait avec toute l'autorité du Conseil Jedi. Les murmures se répandirent sur leur passage comme des ondes sur l'eau, et les cris de colère s'éteignirent peu à peu jusqu'à ce que la foule devienne silencieuse, tous les yeux braqués sur eux. Apparemment, Belle n'était pas le seul à s'interroger sur ce que son maître projetait de faire. Loden s'approcha des portes. Il leva les yeux vers les deux gardes postés sur les fortifications de part et d'autre de l'entrée. L'endroit ne ressemblait plus vraiment à une demeure, mais à une petite forteresse. Belle se demanda ce que pouvait bien faire cette famille, ces Ranoraki, qui nécessita d'engager un tel personnel de sécurité. Au moins 2 douzaines d'hommes et de femmes surveillaient l'enceinte, et il y en avait sans doute d'autres à l'intérieur. « Salut à vous, maître Jedi !» fit l'un des gardes sur un ton relativement avenant. « On ne peut pas vous laisser entrer non plus, désolé. Et on dirait que vous avez votre propre vaisseau. Pourquoi vous n'y remonteriez pas d'un petit saut pour retourner dans les mondes du noyau ? Vous êtes sur une propriété privée ici. » « Je me trouve toujours hors de l'enceinte, » répliqua Loden. « L'autorité dont vous disposez, quelle qu'elle soit, ne s'étend certainement pas au-delà. Si ?» Le garde releva son arme et la cala contre son épaule. Il cracha et la mucosité atterrit au sol hors des murs avec un petit bruit mouillé. « Si vous le dites. » « On m'a fait savoir que vous ne laissiez personne accéder au vaisseau, malgré l'ordre d'évacuation émis par le dirigeant planétaire. »« Tout à fait. » Mais le vaisseau pourrait transporter la plupart de ces gens, voire tous avec un peu de créativité. Mon job ne consiste pas à les faire embarquer, Jedi. Tout le contraire, en fait. Vous devriez peut-être réfléchir à une retraite anticipée, déclara Loden. Comme toujours, Belle perçut le sourire dans sa voix. Mais il en identifia aussi la signification toute particulière. Exactement comme il avait su que son maître employait la manipulation mentale des Jedi pour calmer la femme affolée. Belle écarta le pan de sa tunique pour exposer la poignée de son sabre laser encore dans son étui. Sans le regarder, Loden leva une main dans sa direction et mit en contact 2 de ses doigts, le premier et le second de sa main gauche, selon un signal convenu entre eux. Le sens en était élémentaire. « Non, ne fais pas ça. » Belle se força à se détendre. Le capitaine des gardes ne parut nullement s'en soucier. Il semblait même un peu amusé. « Qu'est-ce que tu crois pouvoir faire, Jedi ? Percer les murs avec ton sabre laser ? Nous terrasser tous jusqu'au dernier ?» Son maître s'avança légèrement et le sourire de sa voix avait gagné ses lèvres. « Mais oui, pourquoi pas ?» Le visage de l'homme changea. L'amusement avait disparu, remplacé par la confusion, l'inquiétude. « Ouvrez les portes, » dit Loden Gretstorm. « Je vous promets que c'est la meilleure manière de procéder. Pour tous ces gens là-dehors, mais aussi pour vous et pour tous vos amis là-haut. » Le garde considéra Loden et Loden considéra le garde. Bell savait comment cela allait finir, et il ne pouvait s'empêcher de s'en réjouir, même si savourer ce genre de moment n'était pas très convenable pour un Jedi. Loden n'avait même pas eu à dégainer son arme, ni à utiliser la manipulation mentale. Loden Gretstorm s'était contenté de quelques mots bien choisis, et voilà que... « Ouvrez les portes !» dit le capitaine des gardes d'un ton las, abattu. « Merci, » fit Loden. Il se retourna pour regarder Bell. « Nous allons rester un moment, pour nous assurer que tout se déroule sans heurts. » Ensuite, nous partirons d'ici et nous verrons si nous pouvons nous rendre utiles ailleurs. Entendu ? Entendu, répondit Bell. Des bruits s'élevèrent derrière eux et les deux Jedi firent volte-face. Ce n'étaient pas des bruits très rassurants. Des tirs de blaster et des cris. Les Jedi ne pouvaient voir ce qui se passait, pas au travers de la foule. Saute ! Dit Loden avant de bondir au sommet du mur d'enceinte et d'atterrir à côté du capitaine de la garde personnelle de la famille Ranoraki, stupéfait. Bell le suivit et, de ce point d'observation surélevé, ils aperçurent des speeders. Il y en avait deux, des appareils volumineux et lourds, équipés de canons embarqués qui tiraient droit sur les Hetzaliens. Des maraudeurs, pensa Bell. Des individus aussi désespérés que tous les autres habitants de Hetzal Prime, mais qui, bien mieux armés, étaient déterminés à prendre le vaisseau du domaine. Ils s'en prenaient à la foule sans défense et la dispersaient afin de percer une brèche dans la muraille. « Sabre au poing !» ordonna Loden Gretstorm. Le sourire avait disparu de sa voix.